Salutations Tedana, c'est le chef et vous écoutez Anime No Melody parce que c'est cool, ouais. Bonjour et bienvenue dans ce 38e numéro de Anime No Melody. Il s'agit du dernier numéro de l'année 2018. Je vous remercie encore de me suivre depuis près de 5 ans maintenant. Au programme, une jolie lady avec Gwendoline, un collège complètement barré, voire foufoufou, et une petite sorcière qui aime balayer devant sa porte. Allez, on y va! Venez d'écouter l'opening japonais de Lady Lady et qui se nomme Lady par Shonentai. Lady Lady, ou Gwendoline en France, est un shoujo manga japonais de Yuko Hanabusa. Il a été publié par Akita Shoten dans le magazine Hitomi Comics de 1987 à 1993 et est rassemblé en 12 volumes. Ce manga vient d'ailleurs de se terminer en 6 volumes, donc double chez l'éditeur français Issan Manga. Lady Lady a ensuite été adapté en 2 séries télévisées animées intitulées Lady Lady et sa suite Hello Lady Lynn, produit par la Toei Animation. L'histoire raconte celle de la petite Gwendoline, donc Lynn en version originale, qui arrive dans le manoir de son père, le vicomte de Marble, un Anglais, suite à la mort de sa mère. Sur place, elle va rencontrer beaucoup d'amis, notamment Edward et Arthur de Brighton, leurs voisins, mais également sa demi-sœur Annie, ou Sarah, dans la version française, parce qu'ils lui ont donné d'autres noms, qui lui compliquera donc la vie, au début, semblant la rejeter. Cette dernière finira tout de même par l'accepter et l'aimer comme sa vraie sœur. Mais l'arrivée de la baronne de Weebury va compliquer les choses. Elle souhaite en effet épouser le père de la fillette pour son titre et n'hésite pas à punir à tort la pauvre Gwendoline pour des fautes souvent commises par les deux enfants terribles de la baronne, Mary et Antoine. Malgré cela, Gwendoline saura rester forte. Merci à Planète Jeunesse pour le résumé. La première saison de la série animée comprend 21 épisodes, tandis que la deuxième, 36 épisodes. Sa version française a été diffusée sur la 5 dans Youpi, l'école est finie, et dont le générique est chanté par Claude Lombard. On l'écoute d'ailleurs tout de suite. Sur la vie, elle a un cœur toujours ouvert qui dit oui. Elle est toujours prête à sourire aux amis. C'est un mélange de volonté et de générosité. Elle a des moments de tristesse et elle pleure. Tendresse à plein cœur. Et voilà tout, elle ressemble à tous les enfants qui portent sans savoir pourquoi du bonheur entre leurs doigts. Suis ton rêve, Gwendoline. Suis ton rêve, Gwendoline. La musique de la série a été composée par Kohei Tanaka. Je vous ai déjà parlé de lui de nombreuses fois pour les soundtracks de Sous le Signe Mousquetaire, de Gunbuster, One Piece ou Sakura Wars. Il a un style plutôt orchestral, mais se sert le plus souvent de musique créée en studio, à défaut d'avoir un véritable orchestre. Pour celle de Gwendoline, c'est avec un vrai orchestre qu'il a pu conduire, puisqu'il s'est rendu en Angleterre pour enregistrer avec le Canterbury Hills Orchestra, très connu au pays des Saxons. Kohei Tanaka est un petit génie qui sait mettre en valeur les animés pour lesquels il travaille et fait en sorte de marier l'ensemble sans changer et être trop pompeux. Une excellente musique que celle de Gwendoline, et on se l'écoute tout de suite. Thank you. Thank you. Thank you. Vous venez d'écouter Ushiro Yubi Saseregumi par les Ushiro Yubi Saseregumi et le Onyanko Club. Cette série est une adaptation du manga de Motoi Shinzawa, édité de 1982 à 1987 dans le Shonen Jump. Ce manga fait partie de ceux qui ont cassé l'univers assez formaté du shonen avec le Dr. Slump et Urusei Yatsura. La série animée, elle, a débuté en 1985 jusqu'en 1989 avec un total de 86 épisodes et un film inédit en France. High School Kimengumi, c'est l'histoire de 5 étudiants qui forment un groupe fou et unique, le gang des visages amusants. Et dans un incroyable élan de chance, se lie d'amitié à la fille la plus mignonne de l'école et bien sûr la plus populaire. Ils entreront en compétition avec de nombreux groupes ou gangs dans leur école, où même les enseignants sont difficiles et parfois dénués de sens, et où ils peuvent toujours défier les lois de la nature pour gagner des tournois sportifs par exemple. L'idée étant toujours de rester de grands enfants. On écoute l'excellent générique français du collège Foufoufou, chanté par Bernard Minet. Faut pas exagérer, on n'est tout de même pas fait. Pour travailler comme des damnés, il faudrait inventer un collège Foufou. Le monde est fou, un collège fou, fou, fou, fou. Et rien que pour nous, un collège fou, fou, fou, fou. Où on ne fait rien du tout, un collège fou, fou, fou, fou. C'est ça qui serait doux, un collège fou, fou, fou, fou. Où tout le monde est fou, un collège fou, fou, fou, fou. Et rien que pour nous, un collège fou, fou, fou, fou. Où on ne fait rien du tout, un collège fou, fou, fou, fou. C'est ça qui serait doux. Y aurait des professeurs amusants et farceurs. Plus de récréation, faut nous laisser le temps de rêver. Il faudrait inventer un collège fou, fou, fou, fou, où tout le monde est fou. Un collège fou, fou, fou, fou, mais rien que pour nous. Un collège fou, fou, fou, fou, où on ne fait rien du tout. Un collège fou, fou, fou, fou, c'est ça qui serait doux. Un collège fou, fou, fou, fou, où tout le monde est fou. Un collège fou, fou, fou, fou, mais rien que pour nous. Un collège fou, fou, fou, fou, où on ne fait rien du tout. C'est ça qui serait doux. Y aurait de la musique pendant le cours de physique. Ce serait tout de même bien plus amusant. Tous les après-midi, on ferait surprise partie. C'est sûr qu'on apprend mieux en dansant. Ce serait si bon, ce serait si doux d'avoir un collège fou, fou, fou. Faudrait chaque semaine au moins 3 mercredis et commencer le week-end le lundi à 11h30. Un collège fou, fou, fou, fou, où tout le monde est fou. Un collège fou, fou, fou, fou, et rien que pour. Un collège fou, fou, fou, fou, où on ne fait rien du tout. Un collège fou, fou, fou, fou, c'est ça qui serait doux. Un collège fou, fou, fou, fou, où tout le monde est fou. Un collège fou, fou, fou, fou, et rien que pour nous. Un collège fou, fou, fou, fou, où on ne fait rien du tout. Un collège fou, fou, fou, fou, c'est ça qui serait doux. Un collège fou, fou, fou, fou, où tout le monde est fou. Un collège fou, fou, fou, fou, et rien que pour nous. Un collège fou, fou, fou. La série étant assez longue, elle est parsemée de 7 openings différents et de 8 endings. C'est presque toujours le groupe Ushiro Yubi Saseregumi qui les chante, accompagné par un groupe d'idoles très connu à l'époque, le Onyanko Club. Véritable ovni en diffusion en France, la série fut plus ou moins bien adaptée, et de part de quelques changements, reste tout de même compréhensible pour comprendre l'humour de la série très décalée et japonais. Le doublage est une réussite totale avec Vincent Roupion, notre Nicky Larson national, dans le rôle titre de Rei Ichido, et qui changeait de voix lorsque son personnage se transformait en super déformé, dit donc SD. La musique de la série a été composée par Shunsuke Kikuchi, le maître des soundtracks pour beaucoup de japonais. C'est à lui que l'on lui doit la musique de Goldorak, Albator, le tour du monde en 80 jours, dans sa version japonaise, Dragon Ball et Dragon Ball Z, Dr. Slump et le collège Foufoufou. Sa musique ici est iconique. Beaucoup sont des thèmes qui ont marqué les jeunes téléspectateurs et je suis sûr que vous sourirez en entendant certaines assez cultes pour l'avoir toujours dans un recoin de votre mémoire. Thank you.

Thank you. うために今一人列車に乗ったの黄昏迫る街並みや車の流れ横目で追い越してあの人はもう気づく頃よバスルームにルージュの伝言浮気な恋を早く諦めない限りうちには帰らない不安な気持ちを残したまま街はママから電話で叱ってもらうわ My darling Vous venez d'écouter la chanson d'introduction du film Rouge no Dangon, un message en rouge, chanté par Yumi Arai. Une apprentie sorcière de 13 ans, Kiki, doit quitter son domicile et vivre seule pour prendre son indépendance et se perfectionner. Bien que le seul talent de Kiki soit le vol au balai, elle se lance dans l'aventure avec son chat Gigi, avec qui elle communique. Ils s'installent tous les deux dans une charmante ville balnéaire où Kiki établit son propre service de livraison grâce à son amitié avec une boulangère enceinte jusqu'au cou. Alors que Kiki apprend à concilier indépendance et responsabilité, son bon cœur gagne de nombreux amis dans cette nouvelle histoire, bien qu'au début, elle ne sache pas ce qu'elle veut vraiment. Réalisé par le compositeur Joe Hisaishi, cette bande originale contient des morceaux provenant de l'Image Album, préversion de la bande originale sortie le 10 avril 1989 de Kiki la Petite Sorcière. Ça a été ensuite réadapté et réarrangé pour s'adapter au dialogue et à la longueur des scènes du film, ainsi que de nouveaux titres inédits. Il s'agit ici du 4e album issu de la collaboration entre le réalisateur Hayao Miyazaki et Joe Hisaishi. Chaque album étant toujours précédé et composé sur la base d'un image album. Isao Takahata a participé à cet opus en tant que producteur et le 25 juillet 1988 se tient une première réunion. Un peu moins d'un an plus tard, le 10 juillet 1989, ils achèvent déjà le mastering, décidant de l'ordre d'enchaînement des pistes et arrangeant la tonalité finale de l'album. Il ne reste plus qu'à envoyer le tout au pressage. Ceci est un passage du livret qui existe pour la version française du CD de Kiki, la petite sorcière. On écoute tout de suite la musique de ce film extrêmement bon de Hayao Miyazaki que je vous conseille de voir absolument. Et on se retrouve, encore une fois, juste après. Thank you. Thank you. Thank you. Animer nos mélodies, c'est terminé. On se retrouve en 2019 pour un nouveau numéro qui, je l'espère, vous plaira. En attendant, je remercie mes partenaires RadioAnime.net, Chris Yukigami et son Synthwave et City Pop France, ITZ le podcast et mes amis Yann Kouza, Ridoka. Nous finissons cette émission avec une chanson dans le thème de Noël, puisque nous y sommes, qui se nomme Happy Day, Happy Xmas, par le Taikoku Gagekidan de Sakura Wars. Et n'oubliez pas que la musique d'animé, ce n'est pas que pour les Japonais. À l'année prochaine! Adventure, feeling so. champion qui départ une seule envie, la passion du ballon rond. Tu mouilles le maillot et bien sûr tu te bats. Tes efforts et ta persévérance ont la raison, crois-moi. Tu affronteras des adversaires surprenants, mais ce qui compte avant tout, c'est de tout donner jusqu'au bout. Pour l'amour du football, tu y crois, tu t'envoles. La clé de la victoire se cache là en toi. Vis ton match et ton rêve, et ce fameux jour viendra. Pour l'amour du football, tu y crois, tu t'envoles. Les clés de la victoire se cachent en toi. Le ballon est ton ami, ne l'oublie donc jamais. Si tu es en harmonie et que tu restes fair play, pour l'amour du football, tu y crois, tu t'envoles. Le cri de la victoire se cache là en toi. Tu peux même gagner avec l'énergie du désespoir. Jusqu'à la dernière minute, l'important c'est d'y croire. Pour l'amour du football, tu y crois, tu t'envoles. La clé de la victoire se cache là en toi. Mais ce qui compte avant tout, c'est de tout donner jusqu'au bout. Pour l'amour du football, tu y crois, tu t'envoles. Les clés de la victoire se cachent là en toi.